Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le podcast de la French Tech San Paolo. Vous l'aurez compris, on va parler tech, business et entrepreneuriat à l'étranger. Nous allons questionner les rouages de la réussite outre-mer, partir à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours singulier, et faire un saut dans la culture paulista, où samba et caipirinha peuvent rimer avec start-up et digital, par exemple. Pendant 40 minutes environ, ces businessmen et women vous parleront de leur parcours, leurs challenges professionnels, vous prodigueront conseils et anecdotes afin que vous en retiriez un maximum. Vous inspirez, vous conseillez, vous motivez, vous rassurez, vous trouverez bien un motif qui en vaudra la peine. Prêt au décollage? Alors allons-y, vous écoutez la French Tech San Paolo. Pour le premier épisode, j'ai l'honneur et le plaisir de rencontrer Fabien Echenne, et j'espère qu'il va réussir à vous transporter dans son univers au moins autant qu'il a réussi avec moi. Inventeur du concept FabLab, il participe à la création du premier laboratoire en France avant d'exporter le concept au Brésil. Entrepreneur aguerri, Fabien crée en parallèle WeFab, une sorte de cabinet de conseil nouvelle génération aux méthodes particulières dont il va vous expliquer les contours. Je dois dire que si je suis arrivé avec quelque incertitude, je suis reparti convaincu et certain. Certain que Fabien était non seulement un précurseur, mais aussi qu'il était dans le vrai, et que son projet WeFab avait de beaux jours devant lui. Plus qu'un projet, c'est une sorte de philosophie, une manière de faire les choses qui est innovante et rafraîchissante. Fabien est de ceux qui persuadent. Pour ce faire, exit le PowerPoint, exit la longue théorie. Bref, je ne vais pas tout vous dévoiler, je m'arrête là et je laisse place à mon entrevue avec Fabien Echenne. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci de m'avoir accueilli ici. J'aime bien commencer par une question donc sur le lieu où nous sommes pour que les auditeurs aient vraiment un contexte et une ambiance qui est ici particulièrement plus au Brésil. Donc où sommes-nous ? Alors ici nous sommes à WeFab, WeFab dans le quartier de Pinheiros, qui est le quartier plutôt créatif de São Paulo. Le quartier ça ressemble un peu à un 11e arrondissement parisien je dirais. Et on est dans un espace qui est un espace de travail un peu collaboratif qui est basé sur les préceptes des Fab Labs. Donc c'est un espace dans lequel on va retrouver des machines à commande numérique du type découpe laser, imprimante 3D, ce genre de choses où on peut passer rapidement d'une idée à un prototype qu'on appelle de basse résolution. Donc plutôt en carton avec un petit peu d'électronique, mais des choses assez simples mais qui permettent de tangibiliser les idées. Quand je dis Fab Lab, c'est qu'on est basé un peu sur ce concept de Fab Lab. Donc, le concept de Fab Lab, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, qui est un concept qui a un peu plus de 10 ans, qui a été créé au MIT par un professeur qui s'appelle Neil Gershenfeld, qui était de dire aujourd'hui, on travaille de plus en plus les produits, les objets à travers le numérique. Donc, on va utiliser des logiciels de 2D, 3D. Et on a des machines qui commencent à interpréter en fait ces fichiers. Donc par exemple des imprimantes 3D, tout le monde connaît aujourd'hui une imprimante 3D, vous avez un dessin en 3D et celui-ci il va s'imprimer en fait en 3D. Alors j'ai fait quelques recherches sur toi et quel est ton parcours? Comment on passe, alors je crois que tu es diplômé d'une fac de géographie. Oui. Comment on passe d'une fac de géographie à l'exportateur du projet Fab Lab au Brésil à l'entrepreneuriat, puisque tu as fondé WeFab ici. Alors oui, c'est vrai, quand les gens, je leur dis, là-bas je suis géographe, donc j'ai un DEA, à l'époque ça s'appelait un DEA et un DSS en géographie. Alors c'est marrant, mais les géographes ont été quand même les premiers à s'intéresser au réseau dans les années 2000. Ce qu'on disait, on s'intéressait au réseau type tube avec de l'eau ou du gaz, donc des liquides, mais mettre des 0 et des 1 à l'intérieur, ça pouvait avoir la même théorie. Donc, c'était assez proche quand même. Mais c'est plutôt un truc un peu perso. J'ai bricolé pas mal quand j'étais gamin sur tout ce qui était informatique, Atari, Minitel, etc. Donc c'est resté un peu mon tropisme, la technologie. Et j'ai commencé à travailler en fait après mes études dans un think tank. Donc c'est un groupe de réflexion qui s'intéressait aux usages de l'Internet. Plutôt de dire comment les gens s'approprient les technologies. Et c'était un peu de retourner les questions et de les réinterpréter. Par exemple, on a beaucoup parlé de la Smart City, c'est un sujet qui était important. Et dans mon think tank, on s'est dit, mais est-ce que plutôt les technologies, elles sont descendantes et très top-down, ou est-ce que plutôt on est sur des questions plus bottom-up? Donc, est-ce qu'avec les technologies, c'est pas plutôt les citoyens qui deviennent des Smart Citizens et pas forcément la Smart City? Donc ça a été des questions beaucoup comme ça, sur lesquelles j'ai travaillé à l'époque. Donc j'étais plutôt en gratte-papier, j'ai écrit des ouvrages, des rapports, des livres, et des projets aussi pour des grandes boîtes qui étaient nos partenaires financiers. Jusqu'au jour où on a travaillé donc sur le sujet de ville 2.0, on appelait. Dans nos hypothèses, il y avait une hypothèse qui était de dire nous pensons que demain, donc c'était en 2009, nous pensons que demain, les citoyens pourront être coproducteurs de services urbains. Quand aujourd'hui je vous parle de Airbnb, Lyft, Uber, etc., tout le monde sait, oui, effectivement, les citoyens, eux aussi, peuvent coproduire des services urbains. À l'époque, ce n'était pas tout à fait le cas, mais on avait ce qu'on appelait le Web 2.0, où les gens commençaient à prendre le pouvoir. Donc, on avait des Wikipédia, etc. Donc, on s'était dit, et si ces pratiques de l'Internet, de collaboration, de créer du contenu, finalement, elles débordaient, elles rentraient dans le numérique, dans le monde physique. Donc, j'ai écrit un bouquin là-dessus, c'était ça mon hypothèse, et je suis allé voir mon partenaire, qui était à la mairie de Paris, JC Deco, la RATP et d'autres boîtes, en disant, moi, je pense que demain, ce qui va se passer, c'est que les citoyens vont être coproducteurs de services urbains. Tout le monde a dit, oui, c'est intéressant ce que tu racontes, mais bon, voilà, OK. Donc, on s'est dit, comment on pourrait essayer de démontrer ça? En fait, on a fait un projet à l'époque qui s'appelait la montre verte, qui était une montre avec des capteurs de pollution. Alors qu'il parlait qu'un téléphone, pas smartphone, mais un téléphone classique, et donc qui envoyait de la pollution en temps réel dans un téléphone et qu'ils envoyaient dans ce qu'on appelle une cloud aujourd'hui, qui était à l'époque une Google Maps. Et donc les gens, en fait, sur leur montre voyaient à quel niveau de pollution ils étaient soumis, mais ils envoyaient les données dans le cloud, et donc les gens en temps réel pouvaient voir la pollution à Paris. Plus les gens portaient la montre, plus effectivement la granularité de l'information de la pollution est importante sur la carte. Donc ça donne une carte en fait avec une pollution en temps réel. Donc quand je suis revenu voir ces Deco, etc. avec ça, avec cette montre, ils nous ont dit, ah oui, là on comprend, effectivement, le citoyen demain pourra coproduire les services urbains. À Paris, à l'époque, il y avait 13 grands capteurs de Air Paris, beaucoup plus puissants, c'est vrai, que les nôtres. À part les nôtres, on s'est rendu compte que par rapport aux émissions, par exemple, tout ce qui est les particules fines, plus on est proche sur un trottoir, par exemple, entre être proche de la voiture ou moins proche de la voiture, on est moins soumis. Bref. Donc c'est un projet qui a plutôt mal marché. On a fait 15 prototypes, c'est très très cher, et à la suite de ces 15 prototypes, on s'est dit, tiens, on n'a pas continué, on a un peu merdouillé en fait, et c'est un projet qui est mort, on n'était pas entrepreneur à cette époque-là, et c'est jamais fait. Et on s'est dit, moi je me suis posé la question, de comment on aurait pu faire ce projet à un coût beaucoup plus faible, et c'est là que j'ai découvert en fait les Fab Labs. À l'époque, ma boîte était à la cantine c'était le premier cowork à Paris, cowork plutôt tech, et là, j'ai découvert en fait qu'il y avait des lieux aussi dans lesquels j'aurais pu avec des compétences partagées, où on aurait pu faire ce projet de manière beaucoup plus simple, beaucoup moins intégrée, mais à un coût beaucoup plus faible en fait, avec de l'Arduino, ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai découvert les Fab Labs. Et un des projets que j'ai fait dans ma boîte ensuite, c'était de monter le premier Fab Lab à Paris, pour dire, ben, il faut expérimenter le concept Paris, super intéressant, c'est aux États-Unis, et j'ai monté le premier Fab Lab à Paris. Donc c'est comme ça que je suis arrivé au Fab Lab. Voilà. C'est fou parce que ce qui est dingue, c'est que je viens de lire, il y a quelques jours à peine, un grand article, une étude de JC Deco justement, sur la réappropriation de l'espace public par les citoyens et la coproduction de cet espace public par les citoyens. Et donc, ce que tu disais, c'était il y a combien de temps, ça? En 2009, c'était 10 ans. Mais voilà, tu étais en fait précurseur. Ouais, c'était souvent, enfin, dans cette boîte-là, c'était très... Ouais, on faisait beaucoup de prospectives, en fait. Ces sujets, je pense qu'effectivement, pas mal de sujets se sont pas auto-réalisés, mais sont pas réalisés, mais celui-là s'est réalisé. Et le Brésil dans tout ça, pourquoi le Brésil, comme je pense pas mal de gens, tu vas interviewer ma compagne est brésilienne, donc rencontrée en Europe, voilà, elle voulait rentrer au Brésil et donc je l'ai suivie. Quand on est monté Bifab, ça répondait à plusieurs questions. Le concept de Fab Lab, je trouve qu'il est hyper intéressant. Il est ouvert au grand public, donc c'est un concept qui vient, comme je dis, des États-Unis, qui est ouvert au grand public, qui est là plutôt pour faire de l'empowerment, former des gens. En France, il est financé beaucoup par le service public. Au Brésil, c'est compliqué d'avoir l'argent du service public. Il faut vraiment rentrer dans des démarches hyper longues, très compliquées. Et le problème des Fab Labs aujourd'hui, c'est qu'ils ont leur modèle économique, il est fragile. Parce qu'en France, ça vit beaucoup sur l'argent public, qui est de moins en moins présent. Donc c'est compliqué. Donc nous, on s'est dit ici, on monte un Fab Lab, mais on veut que d'abord, il soit soutenable financièrement. Je te coupe. Est-ce que tu peux nous dire concrètement, un tout petit peu plus concrètement, ce que sont les Fab Labs? Parce que je pense que les auditeurs, tout comme moi au début, sans faire de recherche dessus, c'était très abstrait et on ne voyait pas trop ce que c'était. Alors, okay. Alors un Fab Lab, en gros, c'est un concept des États-Unis, du MIT, et qui, En gros, c'est un espèce de espace de coworking. À part que, donc, ils ont les mêmes caractéristiques, les gens vont beaucoup échanger, discuter, il y a des compétences différentes, on recherche, on va souvent dans une place de coworking parce qu'on se sent un peu seul chez soi et que là, on va pouvoir discuter avec des pairs, etc. À part que la différence dans un Fab Lab, c'est qu'en plus, on mutualise des machines à commande numérique. Donc, quand je dis mutualiser des machines à commande numérique, c'est du type tout ce qui est imprimante 3D, des coupes laser, des coupes vinyles, etc. Donc, c'est des machines qui sont pilotées par des ordinateurs. Où les compétences pour les piloter sont assez faibles. Enfin, la barrière à l'innovation dans ces lieux est assez faible parce que si vous savez utiliser un truc style Photoshop, Illustrator, un peu de CAD, etc., vous pouvez piloter ce type de machine. Donc, vous pouvez avoir une présentation tangible de vos idées assez rapidement. Les gens dans les Fab Labs, ils y vont parce qu'ils ont certaines compétences. Par exemple, moi, je peux être un très bon designer 3D, mais je peux absolument rien connaître en électronique. Donc, je vais dans un Fab Lab parce que j'espère que, par rapport à mon projet, je pourrai peut-être rencontrer quelqu'un qui, lui, aura besoin de compétences que j'ai moi. Et on fera un troc, entre guillemets, ou en tout cas, on pourra partager nos compétences sur mon projet. Dans les Fab Labs, souvent, les gens avaient des projets un peu fermés, des projets perso, et ils se rendent compte rapidement, quand ils sont dans la communauté, que ces projets peuvent être ouverts, que finalement, ce sont des hobbies, et que finalement, on peut, un peu comme à l'image de logiciel libre, on peut les partager, les documenter, pour que d'autres les reprennent, les améliorent. Donc, dans les projets, il y a quelques projets phares, en fait, des Fab Labs, du type la RepRap, par exemple. La RepRap, c'est une imprimante 3D, qui est autoréplicante. Alors, autoréplicante, c'est que cette imprimante-là peut imprimer une partie des pièces qui équiperait la seconde imprimante. Ce projet est dans un Fab Lab et beaucoup de gens ont participé en fait à ce projet parce qu'encore une fois, les documents sont numériques. Donc quand j'ai un projet à Paris, je peux le dupliquer facilement à São Paulo, parce qu'on a les mêmes machines, ou à Tokyo, ou me faire aider par un ingénieur qui est au MIT. Donc c'est vraiment le Fab Lab, le côté du Fab Lab, c'est d'un côté les machines qui sont importantes, mais de l'autre côté c'est la partie réseau qui est vraiment centrale dans le Fab Lab. Réseau local, donc plutôt travailler qu'on appelle localement, donc on cède en fait du réseau global des Fab Labs qui est interconnecté pour résoudre des problématiques locales. Tout ça parce qu'on a accès à des machines à commande numérique et on a accès en fait aux fichiers numériques. Donc c'est ça qui change vraiment. En fait c'est un peu le garage, quand vous voyez l'image de Steve Jobs et de Wozniak qui créent dans le garage des parents de Steve Jobs le premier ordinateur, le Fab Lab c'est le garage 2.0. 2.0 dans le sens où, un, aujourd'hui on est connecté à Internet, donc quand on commence un projet, tout le monde le sait, quand on commence un projet aujourd'hui, la première chose qu'on fait c'est aller voir sur le web si quelqu'un a fait déjà quelque chose d'assez proche, la documenter, parce qu'on a cette culture de la documentation et du partage en fait sur Internet. Donc il faut voir le Fab Lab un peu comme un garage 2.0, très communauté, on va vraiment dans un Fab aujourd'hui plutôt pour la communauté. Donc c'est vraiment ça le concept de Fab Lab. Ok, c'est beaucoup plus clair. Et donc j'ai vu que tu avais participé à la création du premier Fab Lab en France et que tu étais devenu du coup l'exportateur, je dirais, du concept ici à São Paulo. Comment s'est passée l'implémentation de ces laboratoires, on va appeler ça laboratoire, mais de ces Fab Labs à São Paulo? Est-ce que la culture n'était pas différente? Comment les Brésiliens ont accueilli l'idée et le concept? En fait, dans mon ancien boulot, on écrivait toujours, donc pour la ville 2.0, j'ai d'abord écrit le livre, après j'ai fait le prototype, le projet qui a tangibilisé les choses. Après, j'étais un peu plus intelligent, j'ai fait d'abord le prototype, mais quand même, comme je suis français, j'ai quand même écrit un livre. Donc, j'ai écrit un livre sur les Fab Labs, qui a été traduit en fait ici au Brésil, et qui a un peu amené cette question des Fab Labs en fait au Brésil. C'est en fait ma partenaire avec qui on a monté WeFab qui a traduit ce bouquin. Donc, c'est plutôt elle qui, à la base, a vraiment amené le concept de Fab Lab au Brésil. Elle a monté le premier Fab Lab ici, c'est qui s'appelait le Garage M Fab Lab, qui existe toujours, qui a été un Fab Lab dans le Centro, qui n'est plus dans le Centro, mais qui a bougé, mais qui était un Fab Lab type ce qu'on appelle MIT, c'est-à-dire ouvert au grand public, etc. À part qu'encore une fois, ça a un coût, et autant en France on a de l'argent public, autant au Brésil c'est compliqué. Donc c'était un Fab Lab ouvert au grand public, mais sur fond propre des socios en fait, du lab. Donc ça a eu très rapidement des problèmes économiques et ce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que il fallait vivre avec faisant des projets pour entreprise, à part que les fabeurs, les créatifs ou les makers, ils sont pas très très bons pour arriver dans des boîtes. Donc ça a été vraiment un problème là-dessus. Culturellement en fait, ça a été très proche en fait ce qui s'est passé en France sur les Fab Labs, la première vague de Fab Labs. La seconde vague de Fab Labs ici au Brésil, un peu comme en France, qui est un peu plus évoluée quand même en France. Elle s'intéresse vraiment à travers l'écosystème local d'entreprise, donc ça peut être de PME, de PMI, pour réaliser des protos, pour aider les entreprises en fait sur différentes compétences par exemple, parce que dans les Fab Labs on a des compétences qui sont intéressantes. Donc c'est en train de changer, mais il y a eu vraiment un développement assez proche de ce qu'il y avait, je trouve, en France. Donc au début, très communauté, on se débrouille, très do it yourself en fait, mais qui rapidement arrivait à des limites parce que les femmes managers, en fait, au bout d'un an de travailler beaucoup et étant très peu payés, sont tous cramés, donc ils s'en vont. Ils s'en vont souvent avec la connaissance du lieu, avec, parce que ça se met en place, la gestion des machines, etc. Donc ça a vraiment été un peu un problème. D'ailleurs, il y a pas mal de Fab Lab au Brésil et en même temps, qui fonctionne vraiment, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Comme beaucoup aux États-Unis, ceux qui fonctionnent, c'est ceux qui sont au sein d'universités, d'entreprises, etc. Et des Fab Labs privés à San Paulo, il y en a un, c'est le Garage Fab Lab, et c'est tout. Alors que c'est une ville quand même qui est beaucoup plus grande. À Paris, il y a quand même une quinzaine de Fab Labs à Paris. Donc voilà, parce qu'à Paris, il y a des agents publics, et puis que les Fab Labs ont un petit peu plus évolué sur leur modèle, en fait. Le modèle a pas mal évolué, mais au Brésil, voilà, c'est en train d'évoluer. Et nous, le choix de WeFab, qui n'est pas un Fab Lab, WeFab, on n'a pas gardé le nom Fab Lab, alors c'est assez proche, mais ce n'est pas le nom Fab Lab. C'était de dire, nous, on n'accueille pas le grand public, on n'accueille que les entreprises. Et on a les entreprises à développer des projets, en gros, en leur disant, venez chez nous pour passer de l'idée au prototype, pour tangibiliser vos idées. Et c'est vraiment ça qu'on fait ici. C'est une boîte qui vient nous voir avec un problème ou une question, avec qui on passe un certain temps un petit peu créatif, idéation, un peu ce qu'on fait dans le design thinking, plutôt pour reformuler la question, et allez-nous très vite sur du prototype pour pouvoir tester et ensuite le montrer dans l'entreprise, en fait. Donc c'est vraiment ça qu'on a voulu faire ici, c'est ça qui fonctionne, en fait, c'est sur ça qu'on fait fonctionner la boîte. Oui, c'est incroyable, tu m'as montré d'ailleurs quelques vidéos. Est-ce que tu peux nous parler d'un ou deux projets dont tu es particulièrement fier et comment s'est passé ce que tu appelles les sprints, donc ces workshops intensifs où on passe de l'idéation à la création directe et très concrète d'un prototype pour les entreprises? C'est quand même quelque chose de nouveau, on abandonne le PowerPoint et la société de conseil qui va avec. Alors, on fait quand même du conseil, nous aussi, on accompagne les boîtes. On n'est pas les meilleurs là-dessus, donc souvent on travaille avec d'autres boîtes qui sont bons dans la partie plutôt stratégie, etc. Donc on fait souvent des partenariats, on est très partenariat en fait ici. Les quelques projets qui... Alors, le problème, c'est qu'il y a vraiment des choses que je ne peux pas trop raconter, mais des choses que je peux raconter, qui sont déjà sorties. Un des premiers projets qu'on a fait, c'était avec... alors, c'est assez marrant, c'est Weber Quartzolix, donc c'est une marque du groupe Saint-Gobain. Qui sont venus nous voir en disant, voilà, on a un problème aujourd'hui, on a des sacs en fait avec pour faire les joints du carrelage. Et ce joint de carrelage, en fait, on a pas mal de problèmes, les gens ont du mal à le passer, en fait, c'est un problème. Donc quand on a regardé, on s'est rendu compte que le sac, en fait, donc ça vient de France, donc ça a été traduit en portugais, mais c'est un tableau à trois entrées, où vous avez l'entrée du le mètre carré en fait d'où vous allez passer le carrelage, la taille du carrelage et ensuite l'espace en fait que vous allez mettre entre chaque carrelage, quoi. Et en rentrant sur le tableau à trois entrées, ça vous dit il faut que vous mettiez x grammes de produit dans x litres d'eau. Il faut savoir que les pedreiros en fait ici au Brésil, il y en a pas mal qui au niveau études ils ont pas été très loin, donc pas mal de gens en fait voilà, ce tableau à trois entrées, même pour des Français, j'en rigole parce que même pour moi je l'ai vu, j'ai fait oula, après j'ai compris, mais c'était assez compliqué. Et en fait ce qui était assez rigolo, c'est que ce qu'on s'est rendu compte quand on allait voir des gens qui passaient en fait ce produit sur le chef, c'était que le chef jardin disait oula, là il y a 100 mètres carrés, donc tu vas mettre tout un sac et passe beaucoup d'eau, comme ça va bien étaler. Et donc évidemment 6 mois après ce qu'il y avait, c'était qu'il y avait des craquelures et donc ça fonctionnait pas, donc les gens étaient pas très contents et les gens revenaient voir en fait les gens chez Weber Cordier en disant votre produit ne marche pas. Et donc là, ça a été d'un travail, un sprint, et une idée qui a été de faire, c'est de dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait inventer. Et en fait, on a décidé de faire, c'est un truc très simple, mais on a refait en fait le design du packaging. Et au lieu de compter en faire un tableau 3 entrées, on a compté avec comment on compte ici au Brésil. Ici au Brésil, on compte en xícara, c'est-à-dire on compte en tasse. Donc on a fait une espèce de recette de cuisine sur en fait le produit. Et donc derrière, au lieu d'avoir un tableau de 3 entrées, on avait une recette de cuisine qui disait voilà, vous comptez, en tout cas c'est simple, vous comptez en pas combien fait pour évaluer le nombre de mètres carrés en fait de l'espace. On a fait un peu plus simple, et ça, 4 mois après, le produit est sorti sur le marché. Donc ça a été pour nous, en fait, le packaging refait est sorti sur le marché. Donc ça a été un truc qui a été vraiment cool pour nous pour dire regardez, voilà, on a fait un sprint d'une semaine et 3 mois après, le produit est sur le marché. On a fait pas mal de tests utilisateurs, ça marchait bien. Donc voilà, d'autres projets qu'on a pu faire, on a fait pas mal de projets avec L'Oréal. Là aussi, question culturelle en fait, comme souvent au Brésil, un produit qui marche en France ne marche pas au Brésil, alors que c'est le même produit. Pour une raison simple, c'est que ce produit coûte cher, donc là aussi les gens en mettaient, les gens, les coiffeurs en mettaient en fait peu. Et donc il n'y avait pas l'effet escompté. Donc il a fallu retravailler avec eux, allez, donc on a amené les chefs de L'Oréal France en fait dans des petites boutiques de gens qui passent, en fait, de coiffeurs ici au Brésil, pour qu'ils observent, qu'ils voient vraiment ce qu'on pouvait leur raconter. Ils se passent ça, ils disaient mais non. Et donc là, quand ils vont voir, ils voient comment ça se passe. Et donc là, on a travaillé avec eux sur des espèces de peignes avec un système qui permet de passer directement, en fait, le produit plus facilement et qui permet de mettre la bonne dose, en fait, de produit. Voilà, c'est une chose qu'on peut faire. On fait ça, c'est des sprints plutôt qu'on appelle pro. Donc on bosse avec une grande boîte et on fait plutôt la co-construction avec eux. Et puis on a ce qu'on appelle les sprints juniors qu'on fait depuis 2 ans. Où on mélange les étudiants en fait de l'école design de Nantes qui ont installé un master en fait ici à São Paulo et des étudiants de la FGV qui sont un peu le HEC local, donc plutôt du business, des business schools et des designers. Et là on a un client qui vient, qui leur donne un défi et ils font utiliser notre méthodologie et à la fin ils sortent avec des protos pour le client. Donc là on a fait trucs pour pas mal de boîtes françaises, Peugeot, pour Natura, pour Nestlé. Ça marche assez bien. Nestlé, il y a un truc qui est sorti là justement pour Pâques, qui a été une continuation en fait de ce projet pour étudiants et qui a été mis en place dans les pains d'Asukar en fait par Nestlé ici au Brésil. Donc voilà, c'est un peu sur une chose qu'on peut faire ici, toujours comme tu disais, sous forme de sprint en fait. Et est-ce que pour toi, là je fais juste, on revient un tout petit peu à ce que tu disais au début avec la géographie et tes études de géographie. Est-ce que São Paulo, parce que c'est quand même la première ville du Brésil, hein, clairement, les gens délaissent petit à petit, même Rio est une carte postale, je dirais, et les gens travaillent réellement à São Paulo. Est-ce que São Paulo est en passe de devenir, ou devient, ou est devenu une sorte de smart city? Selon toi. Ça dépend ce qu'on entend par smart city. Ils ont la question smart city. Enfin, dans smart city, c'est qu'il y a beaucoup de capteurs, etc. Ils ont tout un centre en fait ici à São Paulo, à Rio aussi, pour plutôt organiser et puis monitorer en fait la ville. Après la question smart city, j'ai une vision plutôt bottom up. Donc, je commence à avoir en fait des petites startups qui s'intéressent à des choses en fait ici. Je pense à une qui a été, en fait, qui a été incubée chez nous pendant un petit mois, qui s'appelle Pluvion. Ils ont dit Pluvion, il y a un problème au Brésil que tu as dû voir, c'est que quand il pleut rapidement, voilà, c'est... Quand il pleut très très fort et pendant peut-être pas un laps de temps énorme, mais il s'abat des quantités d'eau très très très importantes et les rues sont souvent en pente. Et on devient vite, c'est un fleuve. Voilà, c'est un fleuve. Donc, c'est pas mal de rues, en fait, sont ensuite fermées à la circulation. Où, voilà, ça crée pas mal de problèmes de circuit, de circulation, etc. Et donc, eux, ils ont dit, ici au Brésil, il y a des capteurs de pluie, mais des capteurs de pluie qui vont, à la fin de la journée, dire, il est tombé tant de pluie, mais qui ne mesurent pas l'intensité. Donc, ici, ils ont développé des petits capteurs, en fait, avec une puce, qui m'envoie les données dans un cloud, et qu'ils ont mis, il y en a plusieurs des protos, en fait, ici. De dire, on va installer ces petits systèmes en fait de monitoring qui coûtent très peu cher en fait, qui sont en base d'Arduino avec une petite puce, ça coûte c'est moins de $10 à construire. Et on va essayer de mesurer l'intensité de la pluie en temps réel. Et ensuite passer des modèles en fait d'intelligence artificielle pour voir si des modèles disant à cette heure-ci avec tel niveau de pluie, intensité, telle température et tel niveau de vent, parce qu'ils captent aussi le vent. 2 heures après, la rue était bloquée, il y a une semaine. Donc, tenter de faire des modèles et de faire des modèles prédictifs et de dire, demain, on est capable de prédire quand la pluie commence à tomber, si la rue va être inondée ou pas. Et donc, on est capable d'envoyer les données et à São Paulo et aussi à Waze, par exemple, en disant, attention, on sait que dans une heure, voilà. Donc, il y a pas mal de petits projets Smart City, plutôt. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est plutôt bottom-up, citoyens eux-mêmes ou de petites startups qui font des choses. Depuis 4 ans, on les a accompagnés au début. Il y a Red Bull en fait ici, donc c'est pour le Red Bull Station, qui est une espèce de, c'est un truc de Red Bull qui, il y en a 3 dans le monde. Il y en a un ici au Brésil, un en Turquie et je crois qu'il y en a un en Suède, qui est plutôt pour aider l'écosystème local à faire différentes choses. Donc ici c'est très centré musique, mais il y a toute une partie sur hacker la ville en gros. Donc comme São Paulo est une ville qui est quand même pas mal chaotique. Par exemple, je sais pas si t'as déjà pris le bus, mais le bus tu sais pas où il passe, il y a pas le numéro, etc. Il y avait un projet il y a quelques temps, un projet un peu là aussi très bottom-up, où les gens ont fait des stickers et ont collé eux-mêmes en disant ici il y a tel bus qui passe, etc., etc. Et ils ont commencé à faire une carte en fait en ligne où eux-mêmes ont commencé à vraiment documenter où passaient les bus, etc. Les bus changent souvent d'avenue, une fois qu'une rue est fermée, ils changent, etc. Donc tu verras des stickers en fait aux arrêts de bus qui ne sont pas en fait de SP Transit, mais qui sont en fait de la communauté. Donc il y a pas mal de petits projets comme ça, mais ça reste, ouais, c'est naissant. Mais je trouve qu'il y a du vraiment intéressant dans ce côté Smart City que j'aime, celui qui est plutôt on se réapproprie la ville, on la hack, on la rend plus familière, même si elle reste très complexe. Il y a des choses. Sur la partie Smart City top-down, je suis moins, on va dire. Ok. Et donc là, on va parler un petit peu de l'écosystème tech en général à São Paulo. Donc déjà, première question, que représente pour toi la French Tech ici? Et comment trouves-tu l'écosystème tech? Donc là, c'est plus forcément sur le volet French Tech, mais l'écosystème tech global à São Paulo, même si tu viens un petit peu d'y répondre en disant qu'il y avait pas mal de startups qui se réappropriaient la ville et l'espace local. Comment trouves-tu on pourrait même élargir au Brésil, comment trouves-tu l'écosystème tech? Alors en fait, sur la question French Tech, ce que moi j'ai trouvé, alors l'avantage c'est que je trouve qu'il y a une espèce de communauté qui s'est mise en place où ici les gens vont discuter, c'est quand même, la plupart des gens que je connais, on n'est pas concurrents, on n'a pas concurrence, on est plutôt un groupe qui va discuter ce qui se passe, etc. Donc ça, je trouve que c'est hyper sympa. Même sur des gens qui vont se passer des prestataires, par exemple, en disant, tiens, on a trouvé un prestataire, designer qui est super bon, voilà, c'est souvent, je vais appeler pour dire, tiens, est-ce que tu connais quelqu'un là-dessus ou pas? Donc ça c'est une chose qui est vachement bien, parce qu'on a des critères, alors là encore, c'est du tout très subjectif, mais les Français, on va voir, en tout cas moi, j'ai certains critères qui ne sont pas forcément toujours les critères même brésiliens, donc quand je parle à des Français, que je sais que souvent, surtout sur nos critères en fait, d'évaluation de ce qu'on veut, ou par rapport au, par exemple, prestataire. Sur la scène tech en général, c'est que ça, tu l'as vu là, assez peu de temps en fait, il y a eu des gros investissements dans des boîtes en fait du type les nouvelles licornes qu'il peut avoir ici, style Bank, aujourd'hui Nové Taxi qui a été, qui a plus été racheté par Didi, mais tu vois vraiment qu'il commence à avoir un truc qui se passe en fait. Tu as vu, les taux bancaires sont hyper compliqués, donc l'argent est assez compliqué pour des investisseurs étrangers, enfin l'argent au Brésil, le sortir c'est compliqué. J'organisais un truc qui s'appelle Hello Tomorrow en fait ici, qui est une conférence française que j'ai fait au Brésil. L'année dernière, j'ai ramené en fait des Brésiliennes en France, des startups, et il y a une journée plutôt dédiée aux investisseurs, et plusieurs investisseurs leur ont dit, si vous montez votre startup, je parle il y a 2 ans, hein, si vous montez votre startup hors de Brésil, je le finance tout de suite. Sinon ici, je le finance pas, c'est trop compliqué. Donc ça, c'est quand même un souci, je pense. Et tu verras souvent quand même des choses qui moi m'ont vraiment étonné en fait ici, des startups locales ici qui, quand ils ont un peu d'argent, souvent de familles plutôt aisées, etc., ils vont monter leur startup aux États-Unis parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et par exemple pour des choses de type qui sont pour nous assez étonnantes, mais par exemple tout ce qui est produit de santé par exemple, pour avoir la certification ici, ça prend vachement de temps. Alors ce que font les gens, et de l'autre côté, les produits qui sont autorisés par la FDA, donc l'organisme de certification américaines sont entrées sur le territoire brésilien. Donc je connais pas mal de startups qui sont montées aux États-Unis, plutôt dans les biotech, et qui produisent leurs produits, font leur startup là, le font certifier aux États-Unis pour le vendre au Brésil parce que c'est plus rapide. Donc il y a des trucs qui sont quand même assez étonnants. Les gens sont hyper bricoleurs en fait dans la scène. Moi j'entends scène tech, startup, sont hyper bricoleurs. Ça c'est un truc qui est très étonnant. Donc c'est quand même, on est quand même ici plutôt dans la scène tech numérique digitale, assez peu en fait deep tech. Très peu de choses deep tech. Il y a quelques incubateurs d'université, mais c'est quand même peu de choses. Tous les gens qui vont en fait, qui font de la deep tech, vont hors du Brésil. Il y a une boîte en fait ici qui investit dans la deep tech par des financeurs, c'est brésilien. Dans leur portfolio, le gars, il me disait, je lui ai parlé, il y a encore 6 mois, il n'y a aucune boîte ici au Brésil. Toutes les boîtes sont aux États-Unis, mais souvent il y a des CEO ou des fondateurs brésiliens. Donc ça, je pense que c'est en train de changer. Et c'est quand même quelque chose qui est compliqué parce que voilà, il y a plein de bureaucraties qui sont lourdes, etc. Voilà, j'allais y venir, c'est les freins, ça va être surtout la bureaucratie. La bureaucratie, alors pour nous, il y a quand même pas mal, moi je te le disais, tu vois, moi j'ai un poste en fait qui est un peu étrange, je suis co-CEO, donc je suis pas, c'est quand même, on est co-fondateur, ça existe, on monte à plusieurs boîtes, mais donner la vision, diriger la boîte à deux, c'est toujours un peu, ça pose des problèmes, mais en tant que gringo, c'était une solution qu'on a trouvée parce que, comme on disait tout à l'heure, quand ce qui vient de l'étranger, très souvent, encore c'est subjectif, c'est une façon très subjective de ma part, mais quand ça vient de l'étranger, les Brésiliens ont beaucoup d'appétence pour ce qui vient de l'étranger. C'est forcément mieux que ce qui pourrait être produit au Brésil, ce qui n'est pas vrai, mais c'est un peu ça. Il y a un concept qui s'appelle le concept de viralata ici au Brésil. C'est ce concept de dire ah, ce qui vient est forcément de loin est mieux. En plus, je suis français, donc la France, on a quand même ici, c'est assez étonnant, mais on a quand même un rayonnement qui est hyper étonnant. Donc, je suis quand même surpris de voir beaucoup de Brésiliens où, quand je suis français, ils me disent « Ah, mais moi, je parle un peu de français, j'adore Paris, machin, etc. » Ça, c'est assez étonnant. Donc, quand j'ai monté WeFab, on s'est dit « Ça serait bien qu'il y ait un français comme moi, mais culturellement, même après 5 ans, j'ai encore souvent du mal à piger certains trucs. » Bon, tout le monde le sait, mais le oui qui n'est jamais un oui, le non qui n'est jamais un non, tout ça, ça pose quand même pas mal de questions. Et donc, j'ai un co-CEO, une co-CEO qui est une Brésilienne. Et donc, c'est souvent comme ça qu'on fonctionne, quoi. Donc, quelque part, ce qui est absurde, c'est que moi, je donne une espèce de... Ah, s'il y a un mec français, forcément, c'est que ça va être carré. Ce qui est faux, enfin, ce qui est... Mais il y a cette impression. Et après, il y a le côté ici, quand même, qui est hyper important de tout ce qui est la confiance. Donc, ma CEO qui a fait USPI, qui a une thèse chez USPI, tout le monde dit « Ah, elle a fait une thèse chez USPI, donc ta-ta-ta, elle a fait ce lycée. » Il y a tout ça qui se met en place, en fait, ici. Et il y a tout le small talk qui est nécessaire au Brésil, qui, moi, très sincèrement, m'emmerde, en fait, assez fortement. Je viens du sud de la France, mais j'ai vécu plutôt quelque chose assez vite. Donc, il fallait que quelqu'un puisse faire tout ce networking sur lequel je suis très mauvais. Donc, voilà. Donc, ça, c'est, je pense que c'est vraiment un des sujets au Brésil sur le côté très, effectivement, culturel qui est quand même... Je viens du sud de la France, donc c'est quand même plus proche que ce qui se passe au Brésil, mais j'ai toujours travaillé à Paris, donc quand je suis au Brésil, c'était un peu compliqué pour moi. Ça, c'est compliqué, et puis la partie, effectivement, bureaucratie est compliquée. Il faut vraiment, je pense, si on monte une boîte ici, bien s'entourer au début, il y a des gens qui pigent vraiment comment ça fonctionne, quoi. Ben, on en arrive du coup à ma dernière question. Aurais-tu donc des conseils pour quelqu'un qui souhaite lancer son business, pour un Français qui va lancer son business, que ce soit une start-up, que ce soit une idée digital tech ou même parce que j'en ai rencontré pas mal, qui va lancer une boulangerie par exemple française ici, quels seraient des conseils pour quelqu'un donc qui arrive, qui débarque au Brésil? Alors, comment? Ce qui a été difficile pour moi au début, c'est en arrivant, c'est vraiment ce oui qui est jamais un oui ou ce non qui est jamais un non. Et ça, c'est hyper compliqué parce que tu dis tiens, là avec ce client, on va faire chado, comme on dit, c'est ça. Mmh. C'est bon et tout, c'est bon, c'est plié, on va travailler ensemble. Et en fait, c'est jamais, ça prend pas mal de temps pour vraiment que ça soit comme ça. C'est pas aussi rapide qu'en France, donc c'est pas aussi rapide plutôt qu'à Paris. En tout cas, ici, il faut vraiment faire une première réunion, une seconde réunion, une troisième réunion. Les gens commencent à se rencontrer. C'est vraiment important dans cette partie en fait small talk. Ce qui m'a vachement surpris au début en arrivant au Brésil, c'est que dans les réunions de travail, très rapidement, on arrivait sur des questions personnelles en fait. Parce que ça crée de la confiance en fait. Ce qui est surprenant au camp en disant, première réunion de travail, en disant, mais vous avez des enfants? En France, c'est pas le genre de question qu'on va poser tout de suite en fait. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc que je pense qui est vraiment important, ce côté-là. Et les gens qui sont habitués et agiles avec ça, ils se retrouveront super bien au Brésil parce que c'est vrai que c'est vraiment important au Brésil, toute cette discussion personnelle. Ça crée de la confiance. La confiance, elle est vraiment très différente de ce qu'il y a en France. Donc ça crée de la confiance et c'est ce qui crée aussi le business en fait. Faire du business en confiance ici, dès le début, c'est compliqué. Mais sur les conseils, oui, je pense qu'il y a ce côté ici, il ne faut pas s'énerver en fait. Si on s'énerve, les gens se ferment en fait très rapidement. Donc le management français qui est un peu, on est quand même, les Français, on n'est pas très bon management. Souvent, je disais des classements récemment, c'est qu'on est souvent dans les derniers, dans les plus mauvais managements français parce qu'on hurle sur les gens, on les met en stress. Ici, il faut oublier ça direct parce que ça ne marche pas du tout. Donc il faut vraiment accompagner les gens. Moi, je vois mes équipes. Voilà, quand ça se passe pas bien, faut être super friendly pour expliquer en fait que ça se passe pas bien, que ça va pas et qu'il faut un peu modifier les choses. C'est assez compliqué. Je pense que là aussi, le CV, le portfolio, c'est presque c'est niveau 2. En gros, les gens, c'est si une recommandation de quelqu'un que c'est l'ami de bidule, dans pas mal de petites boîtes, c'est ça qui passe en premier, quoi. Ce qui est assez surprenant. Moi, ils me disent non, mais il est super bon, tu vas voir, machin. Je dis, mais je vais voir son portfolio. Ouais, je te l'enverrai. Puis, je dis, mais je vais voir le portfolio quand même, quand c'est un designer. Voilà, donc ça c'est particulier, ça c'est que c'est quand même assez différent. Le côté humain est extrêmement important au Brésil, beaucoup plus qu'en France, je trouve. Et en fait, au début, ça peut être un peu barbant parce que ça prend plus de temps. Et puis finalement, au bout de 5 ans, je trouve que c'est plutôt sympa en fait. Voilà, on passe plus de temps à discuter. C'est vrai qu'ici, les réunions, sur une réunion une heure, j'exagère presque, mais tu as une demi-heure, c'est du small talk, quoi. Alors ça peut te stresser parce que tu te dis, on va faire une réunion. Mais en fait, finalement, ça crée du lien dans l'équipe. Ça crée du lien avec tes clients, donc voilà, c'est pas plus mal, quoi. C'est quand même assez différent de ce qu'on a en France, quoi, là-dessus. Ok, et toi, tu es arrivé donc au Brésil avec le projet en tête directement? Non. Ou ça a mûri ici, tu t'es rendu compte? Ça a un peu mûri ici. J'ai eu la chance en France de faire une rupture conventionnelle à l'époque, donc de partir avec un bonus, un chèque de mon entreprise, d'avoir le chômage. Donc j'avais monté une boîte en France, que j'ai continué à faire un peu de conseils pour la France en fait, en étant ici au début. Et puis après, je m'étais donné un an. Non, un peu, voilà, non, j'ai visité le Brésil, où j'ai pas mal aidé en bénévole le Fab Lab qui se montait en fait de Garage M. Donc j'ai passé beaucoup de temps là-dedans. Ça m'a permis aussi de créer pas mal de réseaux des futures personnes que j'emploie aujourd'hui en fait. Elles viennent de là, en gros, la plupart. Et ça a été vraiment en voyant un peu qu'il y avait des problématiques assez similaires en fait à ce qu'il y avait en France. Donc des boîtes qui cherchaient en fait aussi une nouvelle méthodologie de travail, une nouvelle méthodologie. De passer, de sortir des idées, de voilà. Donc ça s'est construit au fur et à mesure. J'avais quand même idée en France, mais en arrivant ici, je me suis dit qu'il y avait vraiment aussi ce besoin-là. Puis après, ce qu'il y a au Brésil, par contre, pour les prochaines personnes qui s'installeront ici, c'est vrai que c'est compliqué. Je crois qu'il y a une phrase de Tom Jobin qui dit « Le Brésil, c'est pas pour les amateurs », parce que c'est vrai que c'est un pays qui est compliqué à comprendre culturellement. Enfin, moi, je trouve que c'est assez compliqué à comprendre. C'est pas si simple que ça, parce qu'on se rend compte, on se dit « Ah, mais c'est l'Europe, c'est une espèce de Portugal-Espagne, tout va bien. » Et en fait, non, c'est l'Amérique latine, donc c'est quand même très différent. Mais où il y a extrêmement de potentiel. Moi, il y a quand même, enfin, tu le vois, il y a plein de « room for improvement », comme on dit ici, donc plein de choses, quoi. Mobilité, développement, enfin, tu vois, le système bancaire, là, quand même, nous aussi, en France, ça a pris du temps hein, d'avoir tout ce qui était néobank, etc., ça a pris du temps, mais enfin, avant Nubank, les banques, c'était surréel, quoi. Avec des frais super chers, voilà, faire un transfert en ligne, tu verras les transferts des applications qui sont complètement à la rue. Alors, c'est que Nubank a quand même vraiment bousculé pas mal. Ça a été aussi en France, mais c'est récent. Donc, je pense qu'il y a plein de secteurs où il y a vraiment du business potentiel à faire. Mais je pense qu'au Brésil, il faut arriver humble, en fait, et pas concurrent en disant « on va prendre un modèle français, on va l'imposer en France et ça va marcher ». Ça, j'y crois pas une seconde. Je pense qu'il y a vraiment, encore une fois, tout le monde te dit « ouais, Brésil et tout, machin ». Non, je trouve qu'il y a des spécificités culturelles qu'il faut vraiment respecter et qui sont intéressantes. Et je pense que quand on a bien compris des spécificités culturelles, on peut faire du business ici et vraiment pas mal. J'ai connu pas mal de Français qui sont venus, qui ont dit « on va faire ça, machin, comme en France », et qui sont partis au bout d'un an parce qu'ils se sont complètement plantés. Il y a quand même pas mal de, on va dire, Brésil bashing en France niveau, que ce soit enfin, politique, mais surtout, moi, je pense à la sécurité. En deux mots, São Paulo, parce que moi, j'ai eu une expérience assez, assez différente de ce que j'ai entendu en partant et de ce qu'on m'avait dit en partant, mais quel est ton... Alors, c'est marrant, je dis, parce que quand j'ai dit à mes parents « je m'en vais vivre au Brésil », c'était un peu de dire ah, Brésil, à part Rio, c'est la jungle, les favelas et le crime. Alors, si tu vois les statistiques du Brésil, c'est vrai que c'est quand même assez flippant en fait. Il y a quand même, je crois, plus de 80 000 morts assassinés par an, donc c'est des chiffres qui sont totalement délirants. Après, c'est comme tu le dis, il y a le Brésil, alors c'est pas le cliché classique, mais c'est vrai, il y a le Brésil très riche et le Brésil très pauvre, et avec une classe moyenne qui se débat, mais qui est, voilà, qui est encore en construction. Là, on a Pinheiros, les Français en général, ou les Occidentaux en tout cas, enfin les Européens, les Américains, ils vivent dans l'ouest de São Paulo, qui est les quartiers voilà, riches, sécurisés, etc. Moi, je ne suis pas quelqu'un de super flippé. Ma compagne l'est beaucoup plus. Alors, peut-être parce qu'elle est brésilienne. Peut-être parce qu'elle est brésilienne, mais c'est vrai, il nous arrive, je ne raconte pas pour les auditeurs, mais il nous arrive quand même pas mal de choses assez délirantes. Voilà, mais tu dis bon, c'est passé. Certaines choses n'auraient pas pu m'arriver en France, d'autres choses, oui, voilà. Mais dans São Paulo, c'est quand même méga tranquille, quoi. Moi, je trouve que la ville de São Paulo est quand même super tranquille. Ok, top. Eh bien, je pense qu'on a. On a fini, on a fait le tour à peu près de que ce soit ton parcours, ton business ici. Avec la création de WeFab et puis aussi sur les qu'on a largement parlé sur l'écosystème tech, entrepreneurial ici et même sur la ville en général pour des expats. Donc je pense que ce sera très instructif. Super. Merci beaucoup Fabien. Et puis, merci à toi. Ben, à bientôt. À bientôt.